Je suis par Sri Nisargadatta Maharaj. 21. Question. On nous recommande d'adorer la réalité personnifiée en Dieu ou dans l'homme parfait. On nous dit de ne pas tenter d'adorer l'absolu parce que cela est trop difficile pour une conscience ayant son centre dans le cerveau. Maharaj. La vérité est simple et à la portée de tous. Pourquoi compliquer les choses? La vérité est aimante et elle est aimable. Elle inclut tout, accepte tout, purifie tout. C'est la non-vérité qui est difficile, qui est source de troubles. La non-vérité désire toujours, attend, exige. Étant fausse, elle est vide, perpétuellement à la recherche d'une confirmation et d'assurance. Elle a peur et elle évite l'examen. Elle s'identifie à n'importe quel support, si faible et transitoire soit-il. Tout ce qu'elle gagne, elle le perd et puis demande encore plus. Par conséquent, ne mettez aucune foi dans le conscient. Rien de ce que vous pouvez voir, sentir ou penser n'est tel. Le péché, et même la vertu, le mérite et le démérite ne sont pas ce qu'ils paraissent être. Généralement, le mauvais et le bon sont affaires de conventions et de coutumes, et suivant la manière dont on utilise les mots, on s'en éloigne ou bien on les accueille. Question. N'y a-t-il pas de bons désirs et de mauvais désirs, des désirs élevés et des désirs bas? Maharaj. Tous les désirs sont mauvais, mais certains sont pires que des autres. Poursuivez n'importe quel désir, il vous causera toujours des ennuis. Question. Même le désir d'être libéré du désir? Maharaj. Pourquoi désirer si peu que ce soit? Cela ne vous libérera pas de désirer un état libre de désir. Rien ne peut vous rendre libre, car vous êtes libre. Voyez-vous vous-même dans une clarté sans désir, c'est tout. Question. Cela prend du temps de se connaître. Maharaj. En quoi le temps peut-il vous aider? Le temps est une succession d'instants. Chaque instant apparaît, sortant de rien et disparaissant dans le rien pour ne jamais réapparaître. Comment pouvez-vous construire sur quelque chose d'aussi fugace? Question. Qu'est-ce qui est permanent? Maharaj. Pour trouver ce qui est permanent, regardez-vous, plongez profondément à l'intérieur et trouvez ce qui en vous est réel. Question. Comment me chercher? Maharaj. Tout ce qui arrive, vous arrive. Quoi que vous fassiez, celui qui fait est en vous. Trouvez le sujet de tout ce que vous êtes en tant que personne. Question. Que puis-je être d'autre? Maharaj. Trouvez-le. Même si je vous dis que vous êtes le témoin, le spectateur silencieux, cela n'aura pour vous aucun sens, à moins que vous ne trouviez la voie de votre être propre. Question. Voilà la question. Comment trouver le chemin de son être? Maharaj. Renoncez à toutes les questions, sauf une. Qui suis-je? Après tout, le seul fait dont vous soyez sûr, c'est d'être. Le « je suis » est une certitude. Le « je suis ceci » n'en est pas une. Luttez pour trouver ce que vous êtes réellement. Question. Je n'ai rien fait d'autre pendant ces dernières 60 années. Maharaj. Qu'y a-t-il de mal dans l'effort? Pourquoi chercher des résultats? C'est l'effort même qui est votre nature réelle. Question. L'effort est pénible. Maharaj. Vous le rendez pénible en demandant des résultats. Faites des efforts sans chercher. Luttez sans avidité. Question. Pourquoi Dieu m'a-t-il fait ainsi? Maharaj. De quel Dieu parlez-vous? Qu'est-ce que Dieu? N'est-il pas cette lumière qui fait que vous posez cette question? Je suis est Dieu aussi. La recherche aussi est Dieu. Par l'examen, vous découvrez que vous n'êtes ni le corps ni le mental, mais l'amour du soi en vous, pour lui-même dans tout. Les deux ne sont qu'un. La conscience qui est en vous et la conscience qui est en moi, deux en apparence, une en réalité, recherchent l'unité, et ceci est l'amour. Question. Comment puis-je trouver cet amour? Maharaj. Qu'aimez-vous actuellement? Le je suis. Donnez-lui votre cœur et votre esprit. Ne pensez à rien d'autre. Quand ceci est sans effort et naturel, c'est le plus haut des états. Dans cet état, l'amour même est à la fois l'amant et l'être aimé. Question. Tout le monde veut vivre, exister. N'est-ce pas l'amour de soi? Maharaj. Tout désir a sa source dans le soi. La question est de choisir le désir juste. Question. Ce qui est juste ou faux varie avec les habitudes et les coutumes. Les normes varient selon les sociétés. Maharaj. Rejetez toutes les normes traditionnelles. Laissez-les aux hypocrites. Seul ce qui vous libère du désir, de la peur et des idées fausses est bon. Tant que le péché et la vertu vous préoccuperont, vous ne connaîtrez pas la paix. Question. Je vous accorde que les notions de péché et de vertu sont des normes sociales. Mais il peut y avoir des péchés et des vertus spirituelles. Par spirituel, j'entends l'absolu. Existe-t-il de telles choses que des vertus et des péchés absolus? Maharaj. Vertu et péché ne se réfèrent qu'à la personne. Sans une personne vertueuse ou pécheresse, que sont la vertu ou le péché? Au plan de l'absolu, il n'y a pas de personne. L'océan de la pure conscience n'est ni vertueux ni pécheur. La vertu et le péché sont relatifs dans tous les cas. Question. Puis-je me débarrasser de ces notions inutiles? Maharaj. Pas tant que vous considérerez être une personne. Question. À quel signe saurais-je que je suis au-delà de la vertu et du péché? Maharaj. En étant libre de tout désir et de toute peur, libre de l'idée même d'être une personne. Nourrir l'idée de je suis un pécheur, je ne suis pas un pécheur est un péché. S'identifier au particulier est le seul péché qu'il y ait. L'impersonnel est réel, le personnel apparaît et disparaît. Je suis est l'être impersonnel. Je suis ceci, c'est la personne. La personne est relative, l'être pur est fondamental. Question. L'être pur n'est certainement pas inconscient ni dépourvu de discrimination. Comment peut-il transcender la vertu et le péché? S'il vous plaît, dites-moi simplement s'il s'est doué d'intelligence ou non. Maharaj. Toutes ces questions ne viennent que de ce que vous croyez une personne. Allez au-delà du personnel et voyez. Question. Que voulez-vous dire exactement quand vous me dites de cesser d'être une personne? Maharaj. Je ne vous demande pas de cesser d'être. Cela, vous ne le pouvez pas. Je vous demande simplement d'arrêter d'imaginer que vous êtes né, que vous avez eu des parents, que vous êtes un corps, que vous mourrez, etc. Essayez. Faites un pas. Ce n'est pas si difficile que vous le croyez. Question. Se penser comme le personnel, c'est le péché de l'impersonnel. Maharaj. Voilà encore le point de vue du personnel. Pourquoi persistez-vous à polluer l'impersonnel de vos idées de péché ou de vertu? Ça ne s'y applique tout simplement pas. On ne peut pas décrire l'impersonnel en termes de bon ou de mauvais. Il est l'être, la sagesse, l'amour, tous absolus. Où est la portée du péché ici? Et la vertu n'est que l'opposé du péché. Question. Nous parlons de vertu divine. Maharaj. La vraie vertu est la nature divine. Ce que vous êtes réellement est votre vertu. Mais l'opposé du péché que vous appelez vertu n'est qu'une soumission née de la peur. Question. Pourquoi donc tous s'efforcent à être bons? Maharaj. Cela vous maintient en marche. Vous errez jusqu'à ce que vous trouviez Dieu. Alors Dieu vous prend en lui et vous fait tel qu'il est. Question. D'un côté, un acte est considéré comme normal, de l'autre, c'est un péché. Qu'est-ce qui en a fait un péché? Maharaj. Tout ce que vous faites de contraire à une meilleure connaissance de vous-même est un péché. Question. La connaissance dépend de la mémoire. Maharaj. Vous souvenir de vous-même est vertueux. Vous oublier est un péché. Tout se ramène au lien mental ou psychologique entre le mental et la matière. Nous pouvons appeler ce lien psyché. Quand la psyché est inexpérimentée, non développée, primitive, elle est sujette à des illusions grossières. En croissant en ampleur et en profondeur, elle devient un lien parfait entre la pure matière et le pur esprit. Et elle donne un sens à la matière et une expression spirituelle. Il y a le monde matériel et le monde spirituel. Entre les deux s'étend le mental universel, qui est aussi le cœur universel. C'est l'amour sage qui les unit. Question. Certaines personnes sont stupides, d'autres intelligentes. La différence se trouve dans leur psyché. La psyché mûre a derrière elle plus d'expérience. De même qu'un enfant grandit en mangeant et en buvant, la psyché de l'homme est façonnée par tout ce qu'il pense, sent et fait, jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment parfaite pour établir un pont entre l'esprit et le corps. Comme un pont permet la circulation entre deux rives, la psyché rapproche la source de son expression. Maharaj, appelez cela l'amour. Le pont, c'est l'amour. Question. En définitive, tout n'est qu'expérience. Tout ce que nous pensons, sentons, faisons est expérience. Derrière, il y a l'expérimentateur. Ainsi, tout ce que nous connaissons se résume à ces deux termes, l'expérimentateur et l'expérience. Mais en réalité, les deux ne sont qu'un. L'expérimentateur en tant que tel est aussi l'expérience. Cependant, l'expérimentateur considère l'expérience comme lui étant extérieure. De la même façon, l'esprit et le corps sont un. Seule l'apparence les fait paraître deux. Maharaj. Pour l'esprit, il n'y a pas de second. Question. Mais alors, à qui le second apparaît-il? Il me semble que la dualité est une illusion provoquée par l'imperfection de la psyché. Quand celle-ci est parfaite, la dualité disparaît. Maharaj, vous l'avez dit. Question. Il me faut cependant répéter cette simple question. Qu'est-ce qui crée la différence entre le péché et la vertu? Maharaj. Celui qui a un corps pêche avec le corps. Celui qui a un mental pêche avec le mental. Question. La simple possession d'un corps et d'un mental n'oblige certainement pas à pécher. Il doit y avoir à la racine un troisième facteur. Je reviens encore et encore sur cette question de péché et de vertu, parce que de nos jours, les jeunes répètent avec constance que le péché n'existe pas, qu'il est nul besoin d'être délicat et qu'on devrait se livrer sans retenue au désir du moment. Ils ne reconnaissent ni tradition ni autorité, et seul peut les influencer une pensée honnête et solide. S'ils s'interdisent certaines actions, c'est plus par peur de la police que par conviction. Il y a indubitablement quelque chose dans ce qu'ils disent puisque nous pouvons voir comment nos valeurs se transforment de lieu en lieu et d'année en année. Par exemple, tuer dans une guerre est considéré de nos jours comme une grande vertu et pourrait être regardé comme un crime horrible le siècle prochain. Maharaj. Un homme qui bouge avec la terre doit nécessairement expérimenter les jours et les nuits. Celui qui demeure avec le soleil ne connaît pas l'obscurité. Mon monde n'est pas le vôtre. Tel que je le vois, vous êtes tous sur une scène en train de jouer la comédie. Il n'y a aucune réalité dans vos allées et venues, et de plus, vos problèmes sont tellement irréels. Question. Peut-être sommes-nous des somnambules ou sujets à des cauchemars. N'y a-t-il rien que vous puissiez faire? Maharaj. Je fais quelque chose. J'ai pénétré votre état de rêve pour vous dire « Arrêtez de blesser et vous-même et les autres. Cessez de souffrir, éveillez-vous. » Question. Pourquoi donc ne nous éveillons-nous pas? Maharaj. Vous le ferez. Je ne connaîtrai pas l'échec. Cela peut prendre un certain temps, mais lorsque vous commencerez à mettre vos rêves en question, l'éveil ne sera pas loin. 22. Question. La pratique du yoga est-elle toujours consciente? Ou peut-elle être inconsciente, se situer au-dessous du seuil de l'état d'éveil? Maharaj. Chez un débutant, la pratique du yoga est souvent délibérée et demande une grande détermination. Mais ceux qui l'ont pratiquée avec sincérité pendant de nombreuses années sont entièrement à la réalisation du soi, qu'ils en soient conscients ou non. La sadhana inconsciente est plus efficace parce que spontanée et stable. Question. Qu'en est-il de l'homme qui a été pour quelque temps un pratiquant sincère du yoga, puis s'est découragé et a abandonné tout effort? Maharaj. Ce qu'un homme paraît faire ou ne pas faire est souvent trompeur. Son apparente léthargie peut n'être qu'un rassemblement de ses forces. Les causes de notre comportement sont très subtiles. Il ne faut pas se hâter de condamner ni même d'accuser. Souvenez-vous que le yoga est le travail du soi intérieur sur le soi extérieur. Tout ce que fait l'extérieur, il le fait en réponse à l'intérieur. Question. L'extérieur aide malgré tout. Maharaj. Dans quelle mesure et comment aide-t-il? Il y a un certain contrôle sur le corps et il peut en améliorer les postures et la respiration. Il a peu d'influence sur les pensées et les sentiments du mental, car il est le mental. C'est l'intérieur qui peut contrôler l'extérieur, et il serait sage que ce dernier obéisse. Question. Si en fin de compte c'est l'intérieur qui est responsable du développement spirituel de l'homme, pourquoi tant exhorter et encourager l'extérieur? Maharaj. L'extérieur peut aider en préservant votre tranquillité et en vous gardant du désir et de la peur. Vous avez pu remarquer que tous les conseils donnés à l'extérieur sont sous forme de négation. Ne vous arrêtez pas, évitez, abstenez-vous, renoncez, sacrifiez, abandonnez-vous, voyez le faux comme faux. Même la description sommaire de la réalité nous est donnée au travers de négations. Pas ceci, pas cela. Toutes les affirmations sont du domaine du soi intérieur, comme tous les absolus sont du domaine de la réalité. Question. Comment distinguer dans l'expérience réelle l'intérieur de l'extérieur? Maharaj. L'intérieur est la source de l'inspiration, l'extérieur est mû par la mémoire. On ne peut pas remonter à la source alors que toute mémoire commence quelque part. Ainsi, l'extérieur est toujours déterminé alors que l'intérieur ne peut être enfermé dans des mots. La faute des étudiants consiste en ce qu'ils s'imaginent que l'intérieur est quelque chose de saisissable en oubliant que tout ce qui est perceptible est transitoire, donc non réel. Seul ce qui rend la perception possible est réel, que vous l'appeliez vie, vie Brahman ou de tout autre nom. Question. La vie a-t-elle besoin d'un corps pour son expression? Maharaj. Le corps cherche à vivre. Ce n'est pas la vie qui a besoin d'un corps, c'est le corps qui a besoin de la vie. Question. La vie agit-elle délibérément? Maharaj. L'amour agit-il délibérément? Oui et non. L'amour est la vie, et la vie est amour. Qu'est-ce qui maintient l'intégrité du corps sinon l'amour? Qu'est-ce que le désir sinon l'amour de soi? Qu'est-ce que la peur sinon l'impulsion de protéger? Et qu'est-ce que la connaissance sinon l'amour de la vérité? Les formes et les moyens peuvent être mauvais, mais la motivation qui est derrière est toujours l'amour. L'amour du moi et du mien. Le moi et le mien peuvent être petits ou exposés et embrasser l'univers. L'amour demeure. Question. En Inde, la répétition du nom de Dieu est très courante. Y a-t-il quelques vertus dans cette pratique? Maharaj. Quand vous connaissez le nom d'une chose ou d'une personne, vous la trouvez facilement. En appelant Dieu par son nom, vous le faites venir à vous. Question. Sous quelle forme vient-il? Maharaj. En accord avec vos espérances. S'il vous arrive d'être malheureux et que quelque âme sainte vous donne un mantra pour vous porter chance et que vous le répétiez avec foi et dévotion, votre chance tournera presque certainement. Une foi solide est plus forte que le destin. La destinée n'est que le résultat de causes accidentelles pour la plupart. Elle n'est donc tissée que d'une manière très lâche. La confiance et une espérance juste la surmonteront aisément. Question. Quand un mantra est formulé, que se passe-t-il exactement? Maharaj. Le son crée la forme qui incarnera le soi. Le soi peut prendre n'importe quelle forme et œuvrer à travers elle. Après tout, le soi s'exprime dans l'action. Et un mantra est d'abord de l'énergie en action. Il agit sur vous et sur votre environnement. Question. Le mantra est traditionnel. Faut-il qu'il le soit? Maharaj. Depuis des temps immémoriaux, un lien a été créé entre certains mots et les énergies correspondantes, lien renforcé par des répétitions sans nombre. C'est comme une route sur laquelle marcher. C'est une voie facile. Seule la foi est nécessaire. Vous n'avez qu'à faire confiance à la route pour vous mener à destination. Question. En Europe, sauf dans quelques ordres contemplatifs, il n'y a pas de tradition de mantra. Quelle peut en être l'utilité pour un jeune occidental de notre temps? Maharaj. Aucun, sauf s'il est très attiré. Pour lui, la bonne manière, c'est de s'attacher à la pensée qui est la base de toute connaissance, la conscience immuable et éternelle de tout ce qui arrive au sens et au mental. S'il garde cela présent à l'esprit tout le temps, attentif et vigilant, il doit briser les liens qui l'absentent de lui-même et naître à la vie pure, à la lumière et à l'amour. Cette idée, je ne suis que le témoin, purifiera le corps et le mental, et ouvrira l'œil de la sagesse. Alors l'homme passe au-delà de l'illusion, et son cœur est libre de tout désir. Comme la glace devient eau et l'eau vapeur, s'évaporant dans l'air et disparaissant dans l'espace, le corps se dissout dans la présence pure, puis dans le pur être, qui transcende toute existence et toute non-existence. Question. L'homme réalisé mange, boit et dort. Qu'est-ce qui le fait agir? Maharaj. La puissance qui meut l'univers le meut aussi. Question. Tous les hommes sont mus par la même puissance. Où est la différence? Maharaj. Uniquement là. L'homme réalisé sait que les autres ne font qu'entendre sans l'expérimenter. Intellectuellement, les autres peuvent paraître convaincus, mais ils trahissent leurs attachements dans leurs actes, alors que l'homme réalisé est toujours droit. Question. Tout le monde dit « je suis ». L'homme réalisé dit aussi « je suis ». Où est la différence? Maharaj. La différence est dans le sens attaché à « je suis ». Chez l'homme réalisé, l'expérience « je suis le monde est mien » est suprêmement vrai. Il pense, sent et agit avec intégrité et en unité avec tout ce qui vit. Il peut même ne pas connaître la théorie et la pratique de la réalisation du soi, être né et avoir été éduqué hors des notions religieuses et métaphysiques, mais il n'y aura pas la moindre faille dans sa compréhension et sa compassion. Question. Il peut m'arriver de rencontrer un mendiant nu et affamé et de lui demander « qui êtes-vous ?» Il peut me répondre « Je suis le soi suprême. » Bien, dirai-je, puisque vous êtes le soi, changez votre état présent. Que fera-t-il? Maharaj, il vous demandera « Quel état? Qu'est-ce qui a besoin de changement? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Question. Pourquoi me répondra-t-il cela? Maharaj, parce qu'il n'est plus attaché aux apparences. Il ne s'identifie pas avec le nom et la forme. Il se sert de la mémoire, mais la mémoire ne l'utilise pas. Question. Toute connaissance n'est-elle pas fondée sur la mémoire? Maharaj. La connaissance inférieure, oui. La connaissance supérieure, la connaissance de la réalité, est inhérente à la vraie nature de l'homme. Question. Puis-je dire que je ne suis pas ce dont je suis conscient d'être et que je ne suis pas la conscience même? Maharaj. Tant que vous cherchez, il est préférable que vous vous attachiez à l'idée que vous êtes la pure conscience, libre de tout contenu. Transcendez la conscience c'est l'état suprême. Question. Le désir de réalisation a-t-il son origine dans la conscience ou au-delà? Maharaj. Dans la conscience naturellement. Tout désir naît de la mémoire et se trouve dans le champ de la conscience. Ce qui est au-delà est dénué de tout effort. Le désir même de transcender la conscience appartient encore à la conscience. Question. N'y a-t-il aucune trace ou marque de l'au-delà dans la conscience? Maharaj. Non, cela ne peut être. Question. Quel est alors le lien entre les deux? Comment trouver un passage entre deux états qui n'ont rien en commun? La présence pure est-elle ce lien? Maharaj. La présence pure est elle-même une forme de la conscience. Question. Qu'y a-t-il au-delà? Le vide? Maharaj. Encore une fois, le vide ne se réfère qu'à la conscience. Plénitude et vide ne sont que des termes relatifs. Le réel est vraiment au-delà. Un au-delà qui n'est pas relié à la conscience mais qui transcende toutes les relations, quelles qu'elles soient. La difficulté vient du mot état. Le réel n'est pas un état de quelque chose d'autre. Ce n'est pas un état du mental, de la conscience ou de la psyché. Pas plus qu'il n'est quelque chose ayant un commencement et une fin, étant et n'étant pas. Tous les contraires sont contenus en lui, mais il ne participe pas au jeu des contraires. Vous ne devez pas le regarder comme l'aboutissement d'une transition. Il est lui-même quand la conscience en tant que telle n'existe plus. Alors les mots « je suis un homme » ou « je suis Dieu » n'ont plus de sens. Il ne peut être entendu et vu que dans le silence et l'obscurité.